longtemps j'ai cru que l'amitié se retrouvait à la récré. Je compris vite mon erreur, passant pour le souffre-douleur. Le grand Thibault, le petit Fernand prenaient mes billes tout le temps. Mes chauds de larmes n'y faisaient rien, les polissons gardaient le butin. À plus de deux, on est une bande de cons. Plus on en veut, moins ils sont bons, nos compagnons. Quand sonna mon adolescent, j'étais en pleine effervescence. L'amour savait pour nom Micheline, j'aurais voulu qu'elle le devine. Le grand Raymond, le petit Lucien, montrait mon acte de la main. Mes chaudes larmes n'y faisaient rien, les deux salons se marraient bien. À plus de deux, on est une bande de cons. Plus on en veut, moins ils sont bons, nos compagnons. L'année de mon premier emploi, la triperie du père Chaussois, je crus découvrir l'amitié en me confiant à Barnabé. Le grand Léo, le petit Henri savaient les détails de ma vie. Mes chaudes larmes n'y faisaient rien, Barnabé lui se marrait bien. À plus de deux, on est une bande de cons. Plus on en veut, moins ils sont bons, nos compagnons. Renonçant à la confession, à la présence de compagnons, je me livre dans mes chansons sans aucun risque de trahison. Le grand cahier, le petit stylo savent m'écouter sans dire un mot. Mes chaudes larmes ne coulent plus, quant aux amis, je n'en ai plus. Au pli de deux, on est une bande de cons. Ce que je veux, c'est mes chansons et pour de bon. Bon, j'ai quand même tout près de moi l'ami fidèle, mon petit chat. Même si c'est vrai qu'on ne se parle pas, quand je suis triste, il est bien là. Cette amitié particulière peut faire jaser les plus austères, mais mieux vaut un petit animal qu'une bande de cons assez banale. À plus de deux, on est une bande de cons. Ce que je veux, c'est tout mignon, c'est mon chaton.